Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Après la diffusion de cette émission, en 1974, il y eut d'autres films. L'histoire d'Adèle H, L'argent de poche, L'homme qui aimait les femmes, La chambre verte, L'amour en fuite, Le dernier métro, La femme d'à côté et Vivement dimanche. Dans Baiser volé, il avait renoué avec la tradition d'avant la nouvelle vague, la multiplication des seconds rôles intéressants. Ce qu'un critique pourrait écrire de plus sévère à son propos, selon lui, il est quelqu'un qui affaiblit les sujets forts et qui renforce les sujets faibles. Clap sur François Truffaut, première diffusion sur France Culture le 18 mai 1974. Beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Un. C'est quelqu'un qui fait partie des gens qui font du cinéma pour survivre. C'est-à-dire que pour lui, le cinéma, c'est pas un jouet, c'est une espèce de... c'est sa colonne vertébrale. Bon. D'abord une attaque bien ensemble, ça m'arrangerait. Peu expansif comme ça, mais très fidèle, on le sent très fidèle, on lui suppose toujours beaucoup de choses, il en laisse supposer aussi beaucoup. Ça marche beaucoup dans le regard, pas dans le clin d'œil, mais dans le regard. Tout ça jusqu'au bout, que j'ai pas de trou du tout. Il s'est construit un espèce de système de défense fantastique qui est le cinéma. Un des plus grands réalisateurs français, mais surtout, un des plus connus à l'étranger. Moi, il me semble que tous ses films lui ressemblent parce qu'il met beaucoup de lui-même. Quoi, je... C'est une forteresse parce que quand il fait des films, il construit un univers où il est complètement roi. Il reproche certaines choses en disant que c'est un peu trop joli, trop romancé, etc. Mais c'est François, c'est lui, c'est ses films. Oui, il maîtrise tout, il contrôle tout. Il maîtrise les sentiments des gens, les gestes, les relations humaines. C'est surtout au moment du tournage que les choses se font. Parce qu'il règne un certain esprit sur le plateau, toujours avec François, un certain état de grâce qui fait que les choses viennent, arrivent. Et... Non, je crois que c'est quelque chose qu'on voit quand on voit ses films. Quand on voit ses films, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est complètement marqué par son enfance, que... Si vous voulez, je sais pas, moi, quand je vois ces films, j'ai envie de le remettre au monde. Bon, attention, moteur. Annonce. Formula 1, deuxième, 1, troisième, 1, cinquième, septième. Coutez. Elle était bien, celle-là. Alors, maintenant, tout le monde se remet en position de départ. On en fait une en vitesse. Formula 1, quatrième. Allons-y. Pierre Girard, Richard Rhin, Janine Cholet, clap sur François Truffaut. Ah bah oui, mais souvent ça consiste à reprendre le thème sous une autre forme, oui, c'est ça. Je ne sais pas les thèmes, parce que moi j'ai peur en fait d'analyser ça, parce que j'ai peur si j'analyse les thèmes de ne plus pouvoir travailler après, vous voyez, de ne plus pouvoir travailler spontanément. Par exemple, il y a une jeune fille très sympathique et très lucide, Dominique Fan, qui a écrit un livre. Mais ce livre m'a fait peur, vraiment. Je l'ai lu et il y avait tellement de choses auxquelles je n'avais jamais pensé, ça me semblait comme une psychanalyse un peu. Alors je l'ai lu une fois, puis je ne l'ai plus jamais rouvert parce que ça me gênerait. Ça me gênerait pour travailler. Alors elle faisait par exemple l'énumération de, je sais pas, les relations familiales dans mes films. Par exemple, le fait que ce ne sont jamais des parents, mais toujours des beaux-parents. Le fait que les gens ont toujours trois noms. Le fait que les gens... je n'avais pas pensé avant de lire son livre que beaucoup de mes films étaient faits sur des problèmes d'identité, par exemple. Et je me dis que si je creuse trop ces choses-là, après je ferai une création qui sera plus rien, parce que je ne suis pas vraiment un intellectuel, et donc j'ai intérêt à rester un instinctif, si vous voulez. Je pense que quelqu'un comme Romère est un intellectuel. C'est quelqu'un qui peut dominer complètement son travail avant de le faire. Moi, non, j'ai besoin d'une part d'innocence et d'inconscience, vraiment. Et alors, si bien que je suis souvent amené à découvrir 3-4 ans après le sens de mes films, vous voyez. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. 42 ans, 13 longs métrages, 1959, Les 400 coups, 1960, Tiré sur le pianiste, 1961, Jules et Jim, 62, Sketch de l'amour à 20 ans, 64, La peau douce, 66, Fahrenheit 451, 67, La mariée était en noir, 68, Baiser volé, 69, La sirène du Mississippi, L'enfant sauvage, 1970, Domicile conjugal, 71, Les deux Anglaises et le continent, 72, Une belle fille comme moi, 73, La nuit américaine. Je me suis intéressé au cinéma pendant la guerre. Pendant la guerre parce que, je ne sais pas, c'était la distraction numéro un. Si vous voulez, je crois qu'il y a un petit déclic qui s'est produit avec le film de Marcel Carnet, Les Visiteurs du Soir. Parce que je voyais souvent des films en cachette, c'est-à-dire à des moments où j'aurais dû être en classe. Et dans le cas des Visiteurs du Soir, je me souviens l'avoir vu un après-midi en manquant la classe. Et le soir, ma tante, ma jeune tante qui était élève au conservatoire est passée, elle a dit « j'emmène François au cinéma ». Elle m'a emmené voir Les Visiteurs du Soir, donc je n'ai pas osé dire que je l'avais vu l'après-midi même. Et je pense que ça a été un déclic de voir deux fois un film le même jour. Vous voyez, ça m'a donné... D'abord, je me suis rendu compte à partir de ce moment-là que je préférais revoir presque que voir. C'est de là, je crois, j'ai pris l'habitude de revoir sans cesse les films. Et puis, c'était un film très discuté, vous savez, à l'époque. Il y avait beaucoup de polémiques autour. On discutait, est-ce que le château était trop blanc? Est-ce que c'était poétique, psychologique? Est-ce que ça avait de la vérité historique? Est-ce que c'était... Les journaux étaient pleins de Visiteurs du Soir. Et on en parlait aussi en classe, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir, Liliane? Tu sais, le Pierrot le photographe, eh ben, il m'a filé des adresses de petits restaurants extra dans l'arrière-pays. Mais qu'est-ce que c'est que ces adresses de petits restaurants extra? Faut bien aller bouffer quelque part, non? Ah ouais, mais alors moi, tu vois, ça me dépasse, tu vois. On a la chance d'être dans une ville où il y a 37 cinémas. Bon, alors on choisit un film dans le programme, on cherche l'adresse, on va devant le cinéma, on vérifie l'heure de passage du film, et si on a le temps, on va bouffer un petit sandwich au premier bistrot du coin. Voilà! Bon, voilà, c'est de cette époque-là. Un autre film qui a compté énormément pour moi, c'était Le Corbeau de Clouzot. Probablement parce que j'avais une idée assez, comment dirais-je, assez sombre des Français, des adultes autour de moi, et que c'était un film qui était vraiment d'une sévérité extraordinaire pour la société française. Et en tout cas, toujours est-il que ce film m'a grisé. Je l'ai vu peut-être à ce moment-là, 7 ou 8 fois. Odile, tiens, essaye ça. C'est pour jouer dans la scène, là. Voilà. Tiens ça. C'est pas mal, ça, non? Oui, faites voir le tablier un peu. Oui, tout de suite. C'est vendu? Pas mal, on achète. Il y a eu des étapes, il y a eu des films qui m'ont plu au point de regarder à la sortie le nom du metteur en scène sur l'affiche. Il y a des films qui m'ont plu au point de prendre des notes, d'autres au point de découper des articles dans les journaux, de faire des dossiers sur des metteurs en scène. Donc c'était par étapes. Et puis il y a eu la découverte des ciné-clubs. Ont rouvert aussi après la guerre. Il y avait beaucoup de ciné-clubs. Par exemple, le mardi soir, il y avait toujours 12 ou 15 ciné-clubs. On avait un grand choix. On se demandait toujours dans quel ciné-club on allait ce soir-là. On s'est connus à la grande époque du ciné-club du Quartier Latin. Suzanne Schiffmann. Où il y avait Romère, Rivette, François, Godard... je ne sais plus, Chabrol n'y était pas, enfin à ce moment-là il est arrivé un peu plus tard, à un moment où j'avais quitté Paris pendant 2 ans, et je n'ai pas connu Chabrol aussi bien que les autres, donc on s'est connus à la Cinémathèque, au Ciné-Club, comment s'appelle ce cinéma, il existe toujours, mais j'y vais plus à Montparnasse, on faisait le studio Parnasse. Enfin, on allait voir tous les films ensemble, on était tous passionnés de cinéma. Moi, je suivais des cours de filmologie à la Sorbonne. Jean-Luc en a suivi aussi, Godard. Et dans le même temps, à la Cinémathèque Avenue de Messine, qui était très petite, hein, qui comportait 65-70 places, je crois, je rencontrais, au fond, à force de se voir tous les jours, nous avons fait connaissance, Romère, Rivette, Godard et moi, à peu près. Ça, c'est tout ce que je vous raconte là se situe un petit peu avant 1950. Truffaut, il était... Il vivait tout seul, je crois. Il était très fauché. Ils étaient tous assez fauchés. Je devais être une des moins fauchées puisque je vivais chez papa. J'étais normal. Et je me souviens, bon, on allait au cinéma, on parlait jusqu'à 4 heures du matin. On rentrait à pied à travers Paris, on continuait à parler. On ramassait des bouteilles de lait devant les boutiques. Enfin, quoi, tout ce qu'on connaît sur Truffaut, enfin, de l'époque. Ensuite, Bazin participer à la création des Cahiers, qui était un peu une résurrection de la Revue du cinéma, qui n'avait eu qu'une vingtaine de numéros. Et puis j'ai écrit là, dans les Cahiers du cinéma, mais aussi à Cinémonde, Le Temps de Paris, Art Spectacle, je ne sais plus combien de journaux. Principalement Art Spectacle, parce que ça c'était un hebdomadaire, et il y avait évidemment des contraintes là. Il fallait être un critique normal. Qui, autant dans les Cahiers, on avait la liberté et la latitude d'être assez délirant, exalté, autant dans un journal comme Art, il fallait quand même raconter le sujet, par exemple. Il fallait faire de la critique normale. Et je pense que j'ai beaucoup appris de cette façon-là. On devient critique par hasard. Après avoir échoué dans la littérature, le professorat, la publicité ou la soudure autogène. François Truffaut, Art, 1957. Si l'exercice de la critique est admissible, c'est à la condition de l'envisager comme un job provisoire, un stade transitoire. L'idéal serait de n'écrire que sur des cinéastes que l'on aime. Lorsque nous nous trouvons en face d'un créateur digne de ce nom, nous ne pouvons que tourner autour de son film comme un papillon de nuit autour d'une lumière. Truffaut, finalement, c'est sans doute un des réalisateurs qui est le plus cinéphile. Claude de Givray. C'est fantastique, quoi. C'est vraiment fabuleux, quoi, la passion de Truffaut pour le cinéma. Je dirais qu'il ne s'est jamais démenti. Je crois que c'était Rivette le plus déterminé. Rivette nous voyait tous comme des cinéastes et se voyait comme cinéaste. Moi, j'avais franchement peur, vous voyez. Je ne savais pas si je serais capable, comment dirais-je. Je me voyais peut-être parfois comme scénariste. Chabrol lui-même, par exemple, se voyait comme producteur, je me souviens. Il avait envie d'être scénariste-producteur. Il se voyait plutôt comme certains Américains. Il n'était pas sûr d'être franchement sur la mise en scène. Les metteurs en scène, si vous voulez, certains déclaraient, c'était Romère et Rivette. Et Romère, je dois dire, était celui qui avait le plus d'expérience, parce qu'il avait vraiment presque une œuvre en 16 mm, qui était très bonne. Mais évidemment, et aussi Astruc, puisque Astruc, on le voyait au Quai du cinéma, il était parmi nous, il était le professionnel, il était celui qui a un pied dans le métier, tout à fait. Truffaut dit, entre passer une soirée avec Orson Welles ou aller à la Cinémathèque revoir un film d'Orson Welles, je préfère aller à la Cinémathèque revoir un film d'Orson Welles. Je trouve que c'est assez fabuleux, quoi. Je veux dire, il le fait, c'est vrai qu'il l'a fait, puisqu'il a vraiment souvent l'occasion de rencontrer des gens, il préfère aller voir leurs œuvres. Donc c'est ça, enfin, je veux dire, il est passionné par ce moyen d'expression qu'est le cinéma. J'ai commencé un petit film en 16 mm dans l'appartement de Daniel Valcroze, j'ai demandé à Rivette de faire la photo. C'est un film qui s'appelait Une visite. Ce qui n'allait pas, c'est que c'était un film muet, alors qu'il était tourné comme s'il était parlant, vous voyez, les gens en parlaient. Donc il y avait ce problème du dialogue et je ne m'étais pas résolu à faire des intertitres. Et puis je m'étais rendu compte qu'il fallait beaucoup de plans pour exprimer une seule chose. Et c'était un film qui était volontairement anti-avant-garde, ce film, Une visite. C'était dans une ambiance un peu de comédie américaine. Je crois que j'étais influencé à l'époque par des choses de Cukor. J'avais surtout cherché à travailler avec les acteurs et puis... j'ai repensé au cinéma, évidemment, d'une façon un peu plus concrète, en imaginant de faire un film à sketch avec des enfants. Tous les sketchs seraient à propos de l'enfance en général. C'est curieux d'ailleurs parce que c'est un projet qui revient encore en ce moment dans mes préoccupations. Et ça a été donc la première tentative, disons presque professionnelle. C'était en 1957, je crois. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Comment dirais-je ? Peut-être parce que c'était assez littéraire, c'était tiré de cette nouvelle de Maurice Ponce, les Mistons m'ont appris que si on travaille avec les enfants, il faut que les enfants soient vraiment le centre du sujet, et ne soient pas en arrière-plan. Donc je n'étais pas tout à fait satisfait des Mistons, et je n'envisageais plus de le garder comme sketch parmi d'autres, parce que je sentais que le reste serait beaucoup plus réaliste. Et parmi mes autres sketchs, j'avais l'histoire d'un enfant qui fait l'école buissonnière et qui ne rentre pas chez lui, qui passe une nuit dehors. Et alors j'ai agrandi ce sketch au fond qui est devenu les 400 coups. C'était les 400 coups ? Dominique Femme. J'avais 10 ans et j'étais avec mon père. Et je m'en souviens parce que tous les films de Truffaut, ça tourne autour des problèmes de paternité, d'identité, de choses comme ça. Et j'avais 10 ans et j'ai décidé que je rencontrerais ce type un jour. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'un metteur en scène ? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. Bonjour Damien. Quelquefois il a les réponses, mais pas toujours. Vous avez été satisfait de la place là, les C'était boutiques, très bien, vous aviez absolument raison, puis ça s'est bien passé, on a eu une chance formidable avec le temps, c'était très oui, bien. Oui, j'ai vu. Je peux vous montrer le bungalow ? Eh bien allons-y tout de suite. Ah non, la construction n'est pas commencée, ce n'est que le plan là. Ah, le plan. Voilà. Truffaut avait fait un film qu'il aimait beaucoup, qui était un peu la suite, c'était un sketch de L'amour à 20 ans, qui était la suite donc, des 400 coups avec Jean-Pierre Léo. Et ça lui a donné envie, donc c'est cette petite demi-heure, que ça ne durait pas plus d'une demi-heure, son sketch de L'amour à 20 ans, ça lui a donné envie donc, de refaire vraiment une suite plus importante aux 400 coups, c'est-à-dire donc Jean-Pierre Léo, enfin le personnage plutôt d'Antoine Doinel, se mariant. Et donc ça a été baiser volé, m'a proposé de travailler au scénario avec Bernard Revon, qui était un ami avec lequel j'avais travaillé moi-même sur un film que j'avais fait. Je vois le scénario comme un travail qui gagne à être discuté. Vous voyez, je travaille presque toujours avec quelqu'un, selon le genre du film. Si c'est un film d'époque ou un film qui demande beaucoup de documentation, je travaille en général avec Jean Gruaud. Si c'est un film qui demande une construction assez stricte, je travaille avec Jean-Louis Richard. Maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler aussi avec Suzanne Schiffman. L'idée que, pour moi, c'est absolument pas évident qu'un film est meilleur parce qu'on le fait tout seul, vous voyez. J'ai toujours, dans les films que j'admire, comme ceux de Lubitsch, par exemple, il y a toujours eu 3-4 scénaristes, comme dans les films italiens. Si quelqu'un a un genre de création solitaire, oui, je pense que peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas travailler avec d'autres. Mais moi, si, à la fois ça fait une discipline, et en même temps, on éprouve mieux ses idées, comment vous dire. Quand on a une idée un peu excentrique qui choque le partenaire, eh bien on est amené à la défendre, et finalement on est amené à l'introduire d'une meilleure façon. On dit, moi je sais que je vais arriver à un moment à cette scène-là, l'autre dit, mais cette scène-là est absurde, et on arrive à trouver pourquoi elle est absurde, et pourquoi on peut quand même l'intégrer. Alors il me semble que c'est une bonne façon de travailler, et... En tout cas, c'est une question sur laquelle je trouve que les problèmes de vanité ne devraient jamais rentrer, vous voyez, jamais. Pour citer un exemple, moi je trouve que la première partie de l'œuvre de Bresson, que je considère comme faite en collaboration avec Giraudoux, Cocteau, Bernanos, est meilleure à l'époque récente où il y a cette solitude, cette nudité, à mon avis, excessive, d'un homme qui veut aussi être un écrivain, mais finalement, vous voyez, je crois. Godard, il avait l'air de... Suzanne Schiffman. Choisir d'être seul, enfin, au milieu d'une équipe qui en fait lui était très attachée, il le savait quand même, il le savait, mais on avait le sentiment de le gêner tout le temps. C'était rare qu'il... Oui, c'était vraiment le sentiment presque de le gêner, certainement qu'il, d'une certaine façon, il va être plus heureux maintenant s'il arrive vraiment à faire les films comme il le souhaite, c'est-à-dire tout seul. Alors que je pense pas que Truffaut aurait du plaisir à faire un film tout seul. Je crois qu'il a un véritable plaisir à être avec une équipe où les choses se passent bien, où les gens se parlent, où les gens s'écoutent les uns les autres, où des liens de sympathie se créent. Et il aime avoir une équipe qui se perpétue. Enfin bon, il y a des modifications pour des raisons diverses, ça arrive toujours dans une équipe. Mais il aime bien, oui. Ah, Ferrand. Bonjour. Salut. Je voudrais pas vous embêter avec tout ça, mais j'ai reparlé avec les Américains. Il faut s'en tenir à ce qui est prévu pour faire le film en cette semaine. Cette semaine ? Vous croyez que j'y arriverai ? Vous savez, j'ai peur que ça ne soit pas facile en cette semaine. évidemment, si vous avez besoin de 3-4 jours de raccord en équipe réduite, ça, c'est pour la fin du monde. Oui, oui. Mais il faut libérer les acteurs le 31 octobre. 31 octobre. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais revoir une fois de plus le plan de travail avec Jean-François. Hein. Okay. À bientôt. Merci, au revoir. 7 semaines, 5 jours par semaine, 35 jours. Je n'arriverai jamais à tourner un film pareil en 35 jours. En général, si vous voulez, sur les 13 films, il y en a très peu qui se soient faits brusquement. En général, c'était des projets anciens. Vous voyez, ce sont des projets qui ont besoin d'être éprouvés par le temps, qui ont besoin d'être pris, laissés de côté, repris. Et beaucoup de cinéastes, quand ils travaillent à un film et qu'ils n'arrivent pas à le faire, s'en dégoûtent. Et après, disent non, moi, ce film, c'est comme si je l'avais fait, je n'ai plus envie. C'est le cas de René, de toutes sortes d'amis. Et ce n'est pas mon cas, probablement, parce que je travaille toujours sur beaucoup de choses. Alors, par exemple, vous voyez, je crois qu'il y a eu un premier petit travail pour L'Enfant Sauvage qui était fait avant Fahrenheit 451. Puis quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai repris ce projet, j'ai retravaillé avec Gruau, on l'a encore complété. Puis j'ai fait La mariée était en noir, puis j'ai fait je ne sais plus quoi, peut-être Baiser volé, puis j'ai fait encore je ne sais pas combien de films. Et puis un jour j'ai dit, bon allez maintenant c'est le tour de L'Enfant Sauvage. Donc j'avais fait 4 ou 5 films pendant lesquels il y avait toujours cet enfant sauvage qui était derrière, qui me faisait peur, mais en même temps chaque fois que j'y pensais ça se précisait et ça s'enrichissait. Donc il y a le moment où on estime qu'on est prêt. Et puis alors à ce moment-là, on y va. Bon, les voilà. Tiens, une petite personnelle fidèle au poste, c'est bien, les gars, c'est bien. Oh, bonne petite personnelle. Hein. Salut Yann. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit Séverine et Alphonse, je vais les tuer tous les deux. Ah bon, et le grand décor, la gifle? Ah non, on l'a pas reçu, on a que deux boîtes. Ah bah c'est pas normal, dites. Bertrand, on n'a pas reçu le grand décor, vous savez la scène de la gifle? La joie. Téléphoner à Paris au laboratoire pour savoir ce qui se passe. Quand je dis on y va, tout se passe ici, au carrosse, au film du carrosse. Je commence à dicter des tas de choses, je prends mon dossier avec les notes, je les dicte à un secrétaire, on regarde ce que ça donne, je lui demande de taper très aéré parce que après j'écris entre les lignes, et puis après je fais lire ça à Suzanne Schiffman, mon assistante, ou à d'autres amis, et puis on regarde ce qui peut se dégager, on essaie de faire une construction. Quand le film existe en 2-3 pages, pour moi, il est fini. Enfin, il est fini, je veux dire qu'il est... Je ne le mets plus en doute. Je dis, bon, bah, il se tient. Ce qui me serait impossible, par exemple, c'est de commencer un film dont je n'aurai pas le dernier quart d'heure. Je tiens beaucoup à ce que le dernier quart d'heure soit au point. C'est-à-dire, je veux absolument savoir ce qui se passe dans la dernière bobine. Les enfants, gros pépin technique. Oui. Panne d'électricité pendant le développement de la pellicule. La séquence dans le grand décor, avec tous les figurants, est à recommencer entièrement. Oh. Voilà, alors, ça, on recommence. On n'a qu'à la refaire après-demain. Non, on ne peut pas la recommencer avant lundi. Il faut le temps de rameuter dans 850 figurants, c'est pas possible. Les assurances nous couvriront. Bah, les assurances nous couvriront. On va faire la scène de la gifle. On fera la scène de la gifle. Il y a les metteurs en scène qui travaillent à la fois sur des scénarios très précis, découpés, avec des idées, les plans. Après, moi, j'ai vu quelqu'un travailler comme ça, qui est Franju, et qui était quelqu'un qui s'ennuyait terriblement en tournage. C'est pas des choses qui arrivent à François, c'est pas des choses qui arrivent à Truffaut. Et puis voilà, et puis on roule à ce moment-là. C'est la préparation qui commence, qui est pour moi la période la plus ingrate, parce que c'est une période très pénible. Très pénible. Je sais pas, c'est une période par laquelle j'ai un sentiment d'imposture très fort. Elle a été très bien montrée, cette période, dans le film de Fellini, 8,5. Hein. C'est la période pourquoi ça? Pourquoi cette scène-là plutôt qu'une autre? C'est la période où on vous pose des questions pour lesquelles on n'a vraiment pas de réponse. De temps en temps, on a une réponse, mais ce sont des questions qui vous surprennent souvent. On dit, ah oui, c'est vrai, il y a encore ce problème-là à résoudre. Parce que lui, le cinéma est toujours, enfin, ce film est toujours en train de se faire. Il y a une première étape qui est, bon, un plan, un synopsis, une idée du scénario. Une deuxième étape qui est un peu plus de précision, surtout pour les décors, les personnages qu'il veut et tout. Puis une amorce de dialogue. C'est une période où, certainement, où on a le plus de doutes. Et souvent, le dialogue lui-même n'est pas complètement écrit avant de tourner. Souvent, effectivement, on termine des dialogues le soir pour tourner la veille. Enfin, ça arrive. Il y a une grosse partie qui sont... Claude de Givray. Pas vraiment improvisé, mais enfin, disons, écrite un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire, ce qu'il apprend... Bon, Jean-Pierre Léo, il le connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais enfin, disons, certains comédiens qu'il connaît un peu moins, disons, tous les jours, il en apprend un peu plus au tournage, et ça lui sert à enrichir les scènes futures que ces comédiens vont tourner. Quoi. Donc, ce qui fait que ce cinéma, à la fois, il prend les choses qui se passent et qu'il entend, et puis, à la fois, un cinéma qui s'adapte formidablement aux circonstances, aux problèmes, même des acteurs, des personnages à ce moment-là, à tout ce qui peut arriver de l'équipe, enfin tout ce qui peut venir de l'équipe, mais c'est bien, non? C'est pourquoi je suis impatient à ce moment-là d'en arriver au tournage, parce que le tournage, je ne sais pas, dans la mesure où les problèmes sont vraiment très matériels, très concrets, il n'y a plus de place pour ce qu'on appelle donc les états d'âme. Alors attention, silence, répétition sérieuse, oui. Silence! On se tait. Alors attention, allons-y Séverine. Franchement, je ne te comprends pas, Alexandre. Tu es... Lisa. Oh, chef, Lisa, excusez-moi. C'est pas grave du tout. On reprend aussitôt. D'abord, le trac, si vous voulez, idiot. Nathalie Baye. Et puis en plus de ça, François écrit des dialogues. Donc, lui, vous êtes obligé, quand on est obligé d'apprendre les dialogues. Mais lui, comme il les a écrits, les invente, ne dit pas toujours le texte juste. Alors il y a des moments où on est un peu paumé, on est un peu, on ne sait plus très bien. Attention, Séverine. Franchement, je ne te comprends pas, Alexandre. Tu es bizarre depuis quelque temps. Hier soir, quand tu as quitté le repas en plein milieu, ah, c'était très grossier vis-à-vis de Julie. Oh, j'ai dit Julie et pas Pamela. C'est pas grave. Voilà, et à ce moment-là, le tournage devient très exaltant parce que, je ne sais pas, on est intense, on doit être sûrement dans une meilleure forme aussi intellectuelle. On a encore des gens perdus autour de soi et il faut les rassurer et en même temps, il faut tout le temps retomber sur ses pieds. C'est très excitant, c'est une période très créative. Au départ. Mais pour j'ai une idée. Pourquoi je joue pas avec les chiffres? Je fais toujours comme ça avec Federico. Quand on connaît François Truffaut, on ne peut pas ne pas aimer La Nuit Américaine. Écoute, hein, non, c'est vrai, c'est pas possible, c'est pas mais possible, c'est très horrible. Oh, tu as passé sur Viewmark. On peut pas faire ça en France. Non, on peut pas. Il faut dire le vrai texte. Vous voyez, on a le son mais direct. Après, là. Bah, c'est grosier. Il faut trouver une autre solution. Il faut dire le vrai texte. Oui, le vrai texte. Oh bien, écoute, c'est ta faute, parce que c'est toi qui te mets dans les textes au dernier moment. Oui. Alors maintenant, on va écrire sur des petits papiers. Oui. C'est bien. C'est rare qu'on dorme bien la nuit qui précède le premier tournage. Il y a toujours quelque chose. La nuit qui précède le premier jour de tournage, il y a quelque chose de dur. Il y a une gentillesse excessive, d'ailleurs, dans toute l'équipe. Je veux dire, c'est le côté, on envoie des fleurs aux acteurs. Il y a tout le monde se ménage, on se traite tous comme des malades, un peu. Le début? Jean-Pierre Léo. Ah, le début, bah, d'habitude, je retrouve toujours le même personnage. Alors, j'ai pas beaucoup de gêne ou d'inquiétude. Mais le fait est que pour rentrer dans un film, il y a toujours deux ou trois jours, d'acclimatation, si vous voulez, pour sentir le personnage. Et puis alors après, hop, on part sur des rails et c'est terminé. On reste dans la ligne qu'on s'est donnée au départ. Tout le monde a de l'angoisse. Hein. Je sais que les acteurs aussi ont de l'angoisse. Et le jour, on s'arrange pour commencer par quelque chose. Il y a plusieurs théories. On peut commencer par quelque chose d'anodin, en sorte que si c'est pas très réussi, c'est pas grave, on le refera. Ou au contraire, on peut attaquer tout de suite une scène très difficile. Concrètement, Bernard Ménez. J'ai une scène avec Nathalie qui est au bord de la rivière. C'était la première qu'on a tournée. Et je devais dire à Script Girl qu'on allait se laver les mains. Elle avait une panne, on allait se laver les mains au bord de la rivière. Eh bien... il nous a expliqué très vite ce que c'était, la situation, et puis et il nous a fait dire des choses, l'un puis l'autre, on en a dit plutôt plus, puis après il a coupé, il a dit non, on va pas dire ça, on va dire ci, puis voilà. Moi je sais que ma tendance, ça serait de commencer une chose assez facile à exécuter, mais qui quand même a une petite importance dans le film, et surtout... qui permet aux acteurs de jouer assez loin de la caméra, vous voyez. Le premier jour, c'est ce qui nous a beaucoup gêné, d'ailleurs, Nathalie et moi, parce que on se connaissait pas du tout, et mais ça intéressait probablement François, justement, d'être gêné, je pense. Et je commence toujours le premier jour d'un tournage par une scène où l'acteur est très loin de la caméra. Oui, il est assez loin. Oui, sur cette scène, parce que il fallait qu'elle soit de l'autre côté de la rivière, alors je crois qu'ils ont utilisé l'objectif assez loin, mais qui nous rapprochait le plus. Soit il est derrière une vitre, soit il est de l'autre côté de la rivière, soit il est... Parce que ça le détend. Je veux dire qu'il a moins peur parce que la caméra n'est pas sous son nez. Et alors, c'est deux personnes qui vont l'une vers l'autre et qui se disent bonjour, ou bien c'est... Dans La Nuit Américaine, c'est la scène de la rivière, vous voyez, qui est pourtant une vraie scène, mais de la script girl et l'accessoiriste, parce que c'était de l'autre côté de la rivière. Et je savais que ça les aiderait de savoir qu'on était loin. Je communiquais avec eux par un walkie-talkie. Et Je crois que j'ai toujours procédé de cette façon-là, oui. Bon, silence. Le clap. Pamela, 36, première. Allons-y, Séverine. Franchement, je ne te comprends pas, Alexandre. Tu es bizarre depuis quelque temps. Hier soir, quand tu as quitté le repas en plein milieu, c'était très grossier vis-à-vis de Pamela. Quand on commence à tourner, moi, c'était mon premier film. Et de commencer avec François Truffaut, c'est presque la malchance, parce qu'après, on est tout le temps déçu, parce que l'atmosphère est tellement fantastique. Je crois que c'est assez rare, une équipe de travail comme ça. François travaille toujours avec les mêmes gens, sur le plan technique, si vous voulez. La même assistante, les mêmes assistants, la même script girl, etc. Donc c'est une équipe qui est très bien conçue, qui est très... ce sont des gens qui s'entendent tous très bien, qui aiment tous bien François. Et l'atmosphère est merveilleuse. Si vous voulez, le côté assistant, il y a un côté gestion, il y a un côté aller chercher des acteurs, fournir des... Jean-François Stévenin. Fournir un plan de travail, tout ça qui est complètement automatique. Et plus on, à la limite, plus on fait ce travail, plus on s'écarte de la mise en scène. Hein. Alors, par contre, c'est compensé, notamment chez Truffaut, non pas par une communication comme ça, bâton rompu toute la journée, où il a jamais besoin d'un avis sur ce qu'on... Il ne demande jamais ce qu'on pense de tel ou tel plan, des choses comme ça. Par contre, pendant qu'on répète un plan ou quand on est en train d'installer la lumière, tout ça, il explique pourquoi il fait ça de telle et telle façon. Et ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, c'est plutôt un dialogue comme ça, et puis on écrit chacun de notre côté, et puis à un moment, il me donne ses notes, je prends les miennes, je colle tout ça ensemble, je fais les liaisons, il relit, il recorrige, et puis voilà. C'est-à-dire qu'il sait que telle scène ne marche pas parce qu'à la fin, l'acteur reste assis. Bon, et ça, il vous le dit, on a fait une erreur, il reste assis, ce truc-là, ça marche pas, il aurait fait ça, ça marchait beaucoup mieux, comme dans tel film de machin, comme dans ce truc-là hier qui passait à la télé, comme dans tel truc qu'on ira voir demain soir parce que le film ressort, vous voyez. Et à chaque fois, là, on a l'impression qu'il sait très très bien de quoi il parle et qu'il a raison au niveau du langage cinéma. Pamela, 36, deuxième. Il y a des petites bribes comme ça de vie cinématographique qui passent. Quand on est là pour les saisir, on apprend quelque chose. Au niveau de rythme, au niveau de la justesse d'un geste, d'un ton, du rapport des objets dans l'image, des choses comme ça. Pamela, 36, troisième. Il a une espèce de volonté de simplification du tournage. Au contraire de Fleischmann, qui s'il peut faire brûler la moitié de la ville, trouve que c'est bien, mais et c'est même pas à faire dans 3 semaines, c'est le lendemain, et il faut que ça se fasse tout de suite. Bon, lui, c'est absolument le contraire, et telle scène qui était un peu comme ça, finalement il la supprime, parce qu'il a une très très forte conscience de la façon dont le film est reçu. Il dit, ah ça, c'est d'un seul coup, c'est un temps comme ça, c'est dans la cinquième bobine, c'est une scène qui reprend une scène qu'on a vue dans les 20 premières minutes, ça apporte rien à l'histoire, ça fait rien avancer, tout ça c'est trop, allez, on supprime. C'est foutu, elle n'y arrivera pas. C'est pas ma faute. Coupez, ça, c'est pour on va le refaire. C'est pas ma faute. C'est pas grave. Non, Ferrand, c'est pas ma faute. Moi, je suis très confuse. Je sais pas si Léodie, si l'actrice et la maquilleuse. Ça m'a confuse beaucoup, tu sais. Dans mon temps, les actrices étaient les actrices. Les maquilleuses étaient les maquilleuses. C'est pas ma faute. Ça va très bien, Séverine. On va en faire une autre tranquillement. Je le sais, quand même. Voilà. Jean-François. Bon, s'il vous plaît, tous les gens qui n'ont rien à faire sur le plateau, s'il vous plaît, je vous demande de sortir. Étant donné que c'était un film sur le cinéma, donc comme tout était en double, si vous voulez, moi j'étais un petit peu, par moments un petit peu perdue, je réalisais plus très bien qu'est-ce qu'on tournait, si c'était la nuit américaine ou si c'était le film, je vous présente Pamela, il y a des moments où on était complètement perdu. Il tourne à la fois jamais dans la précipitation, c'est-à-dire on sait que le matin on doit faire ça, l'après-midi on doit faire ça. Il tourne très simplement, c'est très frustrant, je veux dire, pour quelqu'un qui a envie de se déchaîner dans le cinéma, d'assister à une journée de tournage de Truffaut, ça doit être vraiment très frustrant, parce qu'on fait un petit mouvement d'appareil, un petit travelling, un petit panneau, et on se demande un petit peu ce que ça va donner dans le film, et puis brusquement dans le film, comme L'Enfant Sauvage, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, les plans avec le gosse près de la fenêtre, d'un seul coup, il a un petit panneau et un zoom qui s'approche tout doucement. On entend le début de musique, le gosse regarde vers la forêt, à ce moment-là on entend la voix d'Ita Arof qui dit « Je compris que Victor, à cette époque de son développement, etc. » et ça vous serre les tripes. Passionnant et en même temps très dur de jouer avec lui parce qu'on parle à l'acteur et puis subitement c'est le metteur en scène qui vous regarde. Alors il y a des moments où il se dédouble presque et puis on sent qu'il vous observe et qu'il vous... C'est très dur de jouer avec lui. Et puis en même temps, ça me plaît beaucoup. Mais c'est assez dur, c'est assez difficile. Sur les films de François, il y a une grande détente, une grande joie. Jean-Pierre Léo. Dans le travail, il a une grande vivacité comme ça qui passe dans le film. Ça, c'est juste, oui. Truffaut. Bernard Ménez. Je crois, à mon avis, s'adapte aux différentes personnes avec qui il tourne. C'est-à-dire que il y a des gens avec qui avaient leur texte à l'avance, d'autres pour qui c'était fait sur place. Il y en a d'autres avec qui il travaillerait le texte en fonction des gens eux-mêmes. Bonjour Yann, bonjour Martine. Bonjour tout le monde, ça va ? Vous avez chargé la piscine ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Eh bien, allons-y tout de suite. Bon, je vais dire à Stanley de s'occuper de tout. Merci ! Vous voulez venir, vous serez gentil, j'ai une lettre à vous dicter. Absolument qu'elle porte aujourd'hui. Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. Bon, ne t'inquiète pas, rien. Stanley trouvera la solution. L'idéal serait... Eh bien, Stacy, ça ne se voit pas du tout. C'est vrai ? Oui, tant mieux. Regardez, c'est joli, ça. Faut aimer, c'est tout. C'est pas trop... Non, c'est très bien. Bon. Alphonse, qui aura avec lui... Jeune épouse. Bon, je crois que c'est... Ça va, oui. Très bien, Stacy, vous pouvez partir tranquille. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon voyage. Au revoir, Yann. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Martine. Bon voyage. Et vous, bon boulot. Allez, on regarde la suite. Il est remarquable que les grands metteurs en scène et les grands scénaristes ont tous fait longtemps des petits films et que le talent qu'ils y mettaient ne suffisait pas à ce qu'on les distinguât des autres, ceux qui n'y mettaient pas de talent. Il est remarquable aussi que tous sont venus à la qualité en même temps, comme on se refile une bonne adresse. Et puis, un producteur et même un réalisateur gagnent plus d'argent à faire le blé en herbe que le plombier amoureux. François Truffaut, Cahier du cinéma, 1954. Je fais des films avec beaucoup d'éléments. Je fais des films avec beaucoup d'éléments, il se passe toujours beaucoup de choses. Vous faites beaucoup plus vite, par exemple, un film qui se passe en 3 jours, dont l'action se passe en 3 jours, qu'un film dont l'action se passe en 1 année, bien que le temps de tournage vous paraisse le même. Mais vous mettez beaucoup plus d'éléments dans l'histoire qui se passe sur un temps assez long. Alors après, vous restez plus longtemps au montage à manipuler tout ça. Et ça fait... Moi, je rêve de faire des films très simples, mais à part L'Enfant Sauvage, je n'ai pas réussi. Ils sont tous des films non pas compliqués, mais enfin avec beaucoup d'éléments. Et je n'aime pas cette idée de variété, parce que je crois qu'on peut toucher plus fortement le public avec la nudité, avec... on parlait du Condamné à mort, j'aime beaucoup c'est les films de Bresson, justement, qui refusent la variété. Je n'aime pas l'idée qu'au bout d'une heure de film, il faut mettre une poursuite en voiture, et puis après une visite aux zoo, je ne sais quoi. Je crois que c'est une très mauvaise façon de voir le cinéma. Mais toujours est-il que, probablement parce que j'ai souvent une chronique dans les films, j'ai souvent des personnages qui traversent plusieurs milieux, j'ai toujours plusieurs personnages aussi. Et à partir de Baiser volé, par exemple, j'ai eu cette réaction un peu anti-Nouvelle Vague. Je me suis dit, depuis 6-7 ans, nous faisons des films égoïstes, centrés sur un personnage qui nous représente. Et il n'y a plus de bon rôle pour les acteurs de second plan. J'ai repensé aux films de Prévert, Les Enfants du Paradis, Les Portes de la Nuit, ces choses-là. J'ai dit, il est temps de refaire des films. Il est temps de renouer avec une tradition où les seconds rôles sont intéressants à jouer. Et j'ai fait Baiser volé dans cette optique, c'est-à-dire d'avoir Jean-Pierre Léo tout le long du film, mais d'avoir vraiment 7-8 très bons rôles autour de lui, comme celui de Michel Lonsdal, comme celui d'Delphine Seyrig, etc. C'est vrai que moi, je m'attache beaucoup à ressembler d'une certaine façon au metteur en scène sur un plateau pour faire transparaître quelque chose de lui à travers le personnage. Et si vous voulez, quand je tournais avec Godard, j'aimais bien ressembler à lui. Avec Eustache, je ressemble plus à Eustache. C'est une façon de travailler, si vous voulez. Non, ce n'est pas mon double, c'est lui. C'est un personnage, lui, c'est un acteur. Mais il a créé ce personnage de Doinel qui est curieux parce que qui est à mi-chemin entre lui et moi, qui est encore un troisième personnage qui s'interpose entre nous. Et si vous remarquez, si vous regardez l'ensemble des films de Jean-Pierre Léo, vous verrez que chaque fois qu'il a tourné, il s'est beaucoup identifié au metteur en scène. C'est-à-dire il faisait beaucoup de gesticulations avec Skolimowski. Il était très taciturne dans les films de Godard. Enfin, il ressemblait beaucoup, il parlait comme lui. Et il a ça, il a comme beaucoup d'acteurs, mais plus que d'autres, ce mimétisme poussé très loin. Si, c'est quelque chose de privilégié, mais comme spectateur, je les regarde comme d'autres films, mais c'est quelque chose de privilégié, c'est exact. Oui, c'est très complexe parce qu'effectivement, il y a une sorte de... Claude de Givray. De double réaction, si on peut dire. C'est-à-dire que Jean-Pierre Léo fait penser à Truffaut. Je veux dire, il a calqué beaucoup de choses sur l'attitude de Truffaut. Mais moi, il y a une chose qui me fait, qui m'amuse beaucoup, c'est que je trouve que quand Truffaut joue en tant que comédien, puisque finalement on l'a vu dans plusieurs films, on l'a vu, donc il fait le rôle du réalisateur dans la Nuit américaine, et puis il jouait dans L'Enfant sauvage, aussi le rôle de l'éducateur, je ne sais pas, son rôle me fait penser, enfin je veux dire, la manière dont il joue me fait penser aussi un peu à celle de Jean-Pierre Léo. Oui, là ce qui était bien, c'était justement, je tournais, j'ai des scènes où je tourne avec François, et on s'aperçoit bien de la différence qu'il y a entre les deux, parce que d'un côté il y a lui qui joue comme acteur, et puis il y a moi qui joue aussi, et... on voit bien la différence de personnalité. Et lui-même, qui me voyait tourner toujours de loin, tout d'un coup, il m'a vu tourner à 3 cm de son nez dans certaines scènes, et il reconnaissait plus du tout mon jeu. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? On te cherche partout, depuis une heure. On me cherche, moi j'étais dans ma loge, vous avez qu'à venir me chercher, j'étais là, tranquille. Mais on t'avait dit, on t'avait prévenu la veille, le truc. Si on me dit ce qu'on a à faire, je le fais, autrement, je ne veux pas le savoir. Non, mais j'ai pas eu ma faille. Bon, bah, on va prendre. Non, mais c'est pas ma faute. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. » Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Le trait dominant du réalisme psychologique est sa volonté anti-bourgeoise. Mais qui sont en rang chez Bost ? Figure, Janson, Autant Lara, Allégret, sinon des bourgeois. Et qui sont les 50 000 nouveaux lecteurs que ne manque pas d'amener chaque film tiré d'un roman, sinon des bourgeois. François Truffaut, Cahiers du cinéma, 1954. Quelle est donc la valeur d'un cinéma anti-bourgeois, fait par des bourgeois, pour des bourgeois ? Les ouvriers, on le sait bien, n'apprécient guère cette forme de cinéma, même lorsqu'elle vise à se rapprocher d'eux. Ils ont refusé de se reconnaître dans les dockers de « Un homme marche dans la ville » comme dans les mariniers des amants de bras morts. Peut-être faut-il envoyer les enfants sur le palier pour faire l'amour, mais leurs parents n'aiment guère à se l'entendre dire, surtout au cinéma, même avec bienveillance. Si le public aime à s'encanailler sous la libide de la littérature, il aime aussi à le faire sous la libide du social. Il est instructif de considérer la programmation des films en fonction des quartiers de Paris. On s'aperçoit que le public populaire préfère peut-être des naïfs petits films étrangers qui lui montrent les hommes tels qu'ils devraient être et non pas tels qu'Orange et Bost croient qu'ils sont. À force de répéter au public qu'il s'identifie au héros des films, il finira bien par le croire. Et le jour où il comprendra que ce bon gros cocu, aux mésaventures de qui on le sollicite de compatir un peu et de rire beaucoup, n'est pas comme il le pensait son cousin ou son voisin de palier, mais lui-même. Cette famille abjecte, sa famille. Cette religion bafouée, sa religion. Alors, ce jour-là, il risque de se montrer ingrat envers un cinéma qui se sera tant appliqué à lui montrer la vie telle qu'on la voit d'un quatrième étage de Saint-Germain-des-Prés. Cahiers du cinéma, 1954. On peut penser ce qu'on veut de la Nuit américaine. Jean-François Stévenin. Dire que c'est bien, mal, c'est un film... Il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il y a une correspondance entre l'homme Truffaut tel que je connais et ce film. Il y a une correspondance très très forte, c'est-à-dire c'est bien le film de cette personne-là. Et ça, ça me semble très très important dans une œuvre. Et alors, au niveau de ce que de l'apparence que, ou des projections qu'on peut avoir, des idées que donne la projection de ce film, indépendamment du jugement sur le cinéma qu'il appelle, si vous voulez, la façon très réelle dont les choses se passent traduisent exactement ces tournages. C'est-à-dire, lui, par exemple, est exactement comme il se présente dans le film, comme le metteur en scène Ferrand. Cette espèce d'impatience, de tension, ce regard qui est toujours très très présent, cette idée que le film doit avancer, qu'il y a un certain nombre de difficultés à franchir, qu'il y a un temps très très rapide à obtenir, qu'au cinéma le rythme est plus vrai que dans la vie, tout ça c'est vraiment lui et ça se sent beaucoup dans le film et ses tournages se passent comme ça effectivement. Je pense que c'était une vieille idée, je le voyais... Jean-Pierre Léo. Quand je le voyais, quand je dînais avec lui, je me souviens qu'il me parlait d'un film qu'il avait envie de faire sur le cinéma, en effet. Et un soir, il m'a raconté toute la scène avec Valentina Cortés qu'il avait imaginée dans son esprit, comme ça. Et il y avait très longtemps qu'il avait envie de faire un film sur le cinéma à cause de tout ce qui se passe sur un plateau, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il constatait et l'amour qu'il a pour le cinéma, oui, c'est vrai. J'aime évidemment, on n'aime pas l'idée d'insécurité, c'est-à-dire je n'aimerais pas l'idée que j'ai une position de metteur en scène très menacée, quoique on est menacé parce que les gens peuvent s'arrêter d'aller au cinéma un jour, mais je n'aimerais pas non plus l'idée de faire toujours les mêmes chiffres, toujours le même nombre de spectateurs, toujours le même nombre d'argent. Je suis très soucieux de faire des films bon marché, vous voyez, c'est vrai, je fais des économies, je n'ai jamais fait un film, à part Fahrenheit, je ne crois pas que j'ai dépensé plus de 400 millions pour faire un film, parce que je sais que j'ai des films qui ne sont pas quand même pour l'audience de Jean-Yann ou pour l'audience de Funès, tout ça. Je le sais, il faut être logique, ni des Charlots. Je n'ai jamais eu un succès, même comme la moitié des films de Lelouch ou ceux de Louis Malle. Donc je connais cette proportion, vous voyez. Je sais par contre qu'ils vont à peu près partout dans le monde. Je connais la proportion. Je sais que jusqu'à 350 millions, ça, je ne fais perdre d'argent à personne. Il faut montrer un film, la façon dont il tourne lui-même. Bernard Ménez. Je veux dire que l'ambiance que vous voyez dans le film, c'est effectivement l'ambiance d'un film chez Truffaut. C'est donc particulier, puisque Truffaut est peut-être un monsieur qui tourne avec plus de moyens que la normale. Nettement. Plus en France. Alors que peut-être, enfin à mon avis, peut-être qu'en Angleterre, aux USA surtout, puisqu'en Angleterre on tourne plus beaucoup, je crois, de films, aux USA, ça semblait... un film sympathique, tourné plutôt avec peu de moyens. Et c'est peut-être ce qui a fait sa grosse force. Aux yeux de ça, j'en sais rien, puisqu'il paraît qu'il a eu l'Oscar. Je vous présente Mark Spencer. Bonjour. C'est le cascadeur anglais. Ah oui, oui. De Londres. Bonjour, monsieur. Je ne lui parlais pas français, il ne comprend pas une broque. Ah ben, je vais m'arranger avec Julie. Je voudrais que vous le disiez que l'accident de voiture que nous tournons demain se tournera en nuit américaine. Qu'est-ce que c'est, nuit américaine ? C'est quand on tourne une scène de nuit, mais en plein jour, vous savez, en mettant un filtre devant l'objectif. Ah, day for night. Ça s'appelle day for night en anglais. Ah bon. They're going to shoot tomorrow's scene, day for night. Who am I doubling, you know? Il demande qui va doubler. Julie. Oh, very nice. In that? Oui, exactement comme ça, comme with elle the est. With the wig. Ben. You're going to work in England? J'ai revu La Nuit américaine plusieurs fois. Suzanne Schiffman. Et la dernière fois, je l'ai revue à la Cité universitaire où il y avait un festival Truffaut. François ne pouvait pas aller. Je suis allée avec Jean-Pierre Léo, Jean-François Stévenin d'ailleurs, et Walter Ball qui joue le rôle de l'opérateur, qui est opérateur sur le film. Je sais pas, parce que les dernières fois que je l'ai vu, c'est toujours avec des spectateurs tellement enthousiastes que l'émotion de voir le film reçu comme il est. Je veux dire, j'arrive pas encore, je peux pas le juger comme un film auquel je n'aurais pas travaillé. Je ne peux qu'être touché de la façon dont il est reçu. Et ça, vraiment, ouais. Moi, je suis complètement énervé, toujours, en lisant les scénarios et quand on le tourne. Et quand je vois les rushs. Et je suis toujours sûr que là, ça ne va pas marcher. Et puis, 3 mois après, on voit la projection. Et effectivement, je ne dis pas que le film, je veux dire, me renverse pas, forcément. Hein. La Nuit américaine, j'étais sûr que ce film n'allait pas marcher. J'étais sûr que ça ne serait jamais un film à la gloire du cinéma. Bon, et puis finalement, il a une carrière formidable. Et moi, je l'ai vu un soir, une projection d'étudiants dont je m'attendais plutôt à une position critique et tout ça, à la Cité Jourdan à Paris, où il y avait 1500 personnes, et où j'avais l'impression d'assister à une corrida fantastique, où il y avait une salle qui marchait, qui chauffait, qui était réceptive au moindre mouvement d'acteur. Et je me suis rendu compte que là, il sentait ça au moment où il écrivait le film. Un film d'une habileté rare. À ce point, enfin qui parle à ce point réellement du cinéma et qui à ce point défend complètement le mythe du cinéma au lieu de le démystifier. Enfin. Elle a eu raison de partir. Je la comprends parfaitement. Oh, ça peut finir comme ça. Attention, ne bougez pas! Mais non, c'est pas possible, Alphonse est disparu! Oh, oh Odile, vous êtes marié, on l'a déjà fait! Mais oui, Odile! Hein? Mais alors, eh bien, Liliane est partie avec le cascadeur anglais. Et Alphonse est au courant? Mais oui, j'étais obligée de lui dire. Avec le cascadeur. Mais moi, pour un film, je pourrais quitter un type, mais pour un type, je pourrais jamais quitter un film. Dans chaque film, il arrive des histoires. Il arrive des histoires d'amour, il arrive un film, une équipe de films, c'est un microcosme. Et non, en même temps, c'est un groupe de gens qui travaillent de façon très proche les uns des autres pendant un temps très court et où les relations se développent à une vitesse fantastique et se démolissent à la même vitesse. Venez, venez, je vais vous expliquer. Vous voyez, on a fait ce décor pour suggérer que vous habitez là, avec Alphonse, en face de la villa des parents. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller maintenant. Pamela, 44 première. Bon, je donnerai la réplique, puisqu'Alphonse n'est pas là. Ah, Alphonse, toujours amoureux, toujours des salades. Ça, c'est bien vrai. D'ailleurs, un de ces jours, je ferai un film qui s'appellera Les salades de l'amour. Allons-y, Julie. Oui, enfin, c'est comme... Forcément, je dirais, un film, c'est quelque chose qui... Jean-Pierre Léo. Qui passe, c'est quelque chose qui se termine, et il y a un côté... Un peu mort, naturellement. Non, c'est... On va tous se séparer, il y a une équipe, les gens se rencontrent et puis ils vont se séparer. Donc il y a ce côté-là qui est un peu triste dans le film, mais qui fait partie de tous les films. Enfin, c'est pas... ça ne me paraît pas être l'essentiel. Moi, je garde toujours souvenir de grande joie, les tournages avec François, de grand bonheur. C'est les moments privilégiés de la vie, si vous voulez, pour moi. C'est drôle, hein, notre vie. On se rencontre, on travaille ensemble, hein, on s'aime et après, on n'a pas le temps de prendre quelque chose qui... Il n'est plus là. Tu vois, il n'est plus là. Et j'ai un espèce de soulagement énorme le jour où le film est remboursé. Je dis, à partir de maintenant, je sais que je ne fais plus perdre à personne. Je ne peux plus faire perdre d'argent à quelqu'un. Et puis après, bon, ben voilà. Mais je vous dis, c'est toujours moyen parce que probablement j'ai un style aussi qui n'est pas... qui ne va pas dans le sens de renforcer les choses, vous voyez. C'est-à-dire que si j'ai un sujet très fort, je le nuance tellement que ce sujet fort devient une chose très nuancée. Si j'ai un sujet difficile, je lui donne une certaine force qui fait que ce n'est pas un film maudit. Mais vous voyez, c'est ça mon style. Si bien que par rapport à l'énergie de quelqu'un comme Claude Lelouch, par exemple, je dirais que lui, il enfonce le clou, si vous me permettez cette image. Vous voyez, il a un clou, il tape dessus, il l'enfonce. Moi, je crois que si j'ai un clou, je donne un petit coup dans ce sens-là, un petit coup dans ce sens-là, parce que je dois être terriblement français de ce côté-là et j'ai un besoin d'équilibre énorme. Mais ce besoin d'équilibre, probablement, m'amène à affaiblir les sujets forts. C'est ce que je crois qu'un critique pourrait dire de plus sévère sur moi. C'est que je suis quelqu'un qui affaiblit les sujets forts et qui renforce les sujets faibles. Les personnages de ces films sont un peu fragiles, comme lui-même. Enfin, en même temps pudiques, comme lui-même. Et même quand ce sont des grandes idées générales, alors assez différentes, comme l'enfant sauvage, eh ben, ça lui ressemble parce que c'est lié aussi à des problèmes qui lui sont très personnels. Parce que c'était quelqu'un à qui j'avais envie d'écrire une lettre et... Comme il ne me connaissait pas et que je ne le connaissais pas, si je lui avais écrit une lettre normalement, il ne l'aurait jamais lue. Donc la seule façon, c'était de le faire sous forme de livre. Dominique Fan. Une lettre de 200 pages, qui n'était pas neutre, qui était sur ses films et sur lui. Donc bah, il l'a reçue et je suppose qu'il a ressenti une émotion. Parce qu'il a des obsessions, des fantasmes qui ressemblent aux miens. Et puis je trouvais que la façon dont on voyait ses films n'était pas juste, n'était pas complète. C'est assez difficile, je crois que, si vous voulez, pour comprendre ses obsessions et ses fantasmes, il suffit d'aller voir La Nuit américaine. Je ne sais pas, dans Citizen Kane, il y a un journaliste qui interroge un ami de Kane, et cet ami dit de Citizen Kane, le monde l'ayant déçu, il s'en était construit un, où il était roi. Je crois que le monde a beaucoup déçu Truffaut, et qu'il s'est construit un monde où il est roi, et c'est le cinéma. Oui, si vous voulez, La Nuit américaine, je pense quand même que c'est un film qui est très important, peut-être pas pour les spectateurs, mais pour lui, parce que Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Bruno Bettelheim qui s'appelle La forteresse vide et dont Truffaut parle souvent à propos de Chaplin. Et dans ce livre, Bettelheim parle des enfants autistiques. Et ce sont des enfants qui se sont retranchés du monde à la suite d'un blocage qui en général vient de l'enfance. Et ces enfants-là expriment leur angoisse du monde, enfin se construisent un univers par des machines qu'ils inventent ou bien par des dessins. Et ce sont des dessins qui sont souvent très beaux. Et moi, je pense que les films de Truffaut jusqu'à La Nuit américaine, c'était ce type de dessin. C'était des dessins de cinéastes autistiques. Bon, et de la même façon que quelquefois, ces enfants-là, on arrive à les en sortir, c'est-à-dire que brusquement, ils se mettent à accepter le monde et donc, si vous voulez, à expliquer pourquoi ils dessinent ça. Et ce que ça veut dire, je crois que quand Truffaut fait La Nuit américaine, brusquement, il explique aux gens, mais surtout, il s'explique à lui-même pourquoi il a fait ce type de film. Et je crois que c'est ça qui est important dans La Nuit américaine. Et c'est un peu dommage que les gens voient le film, ils disent « Ah oui, c'est très beau, c'est très léger, c'est charmant ». Mais en fait, c'est quand même un film beaucoup plus grave que ça. C'est un cinéaste qui se met dans son film, qui joue le rôle d'un cinéaste et qui brusquement s'aperçoit que pendant 20 ans, il a filmé un certain nombre de choses. Et il rassemble toutes ces choses dans son film. Et si vous voulez, il découvre, je ne sais pas, il est en train de guérir. Je pense que la forteresse va éclater. D'ailleurs, depuis un an, il s'est arrêté de tourner. Je pense que, si vous voulez, maintenant, peut-être que la vie, c'est devenu plus important que le cinéma pour lui. Et que s'il refait des films, ça va être des films qui vont... Enfin, j'espère qu'ils vont être différents. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus des films de survie. Qu'ils seront des films... pas opposés à la vie, mais... Je me dis que les années sont précieuses, que le temps devient plus précieux. Je travaille beaucoup, mais je pense que le temps devient précieux, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir un grand nombre de projets, de les réaliser. Et évidemment, bien que je sache que les progrès qu'on fait dans ce métier-là sont dérisoires, vous voyez, par rapport à la richesse des premières années, il faut quand même les faire, ces progrès, sans y attacher... Il faut voir rien de magique dans cette idée de progrès, mais elle est nécessaire pour soi. On a besoin de s'attaquer à des choses plus difficiles, je crois, à chaque fois. Et puis, rien, c'est tout. J'espère que les 13 films que j'ai faits ne représentent que la moitié de ce que je ferais, vous voyez. C'est-à-dire, je voudrais faire autant de films, je voudrais en faire encore une quinzaine et non pas 5 ou 6, parce que je voudrais... Je voudrais aller plus fort ou plus loin, ou... Voilà, oui. Mais à la fin, quand le film passe, et quand il y a eu le montage, et quand il y a la musique, et quand il y a tout ça, d'un seul coup en projection, j'entends moi aussi la petite musique Truffaut, comme ça, les petites notes qu'il a très personnelles, qui constituent son ton, et qui fait que le film marche, évidemment, avec ce ton-là. Vous voyez ? Sauve-toi. Sauve-toi vers le fond de la place. Clap sur François Truffaut. Voix Claire Viret. Production Pierre Girard, Richard Rhin. Réalisation Raymond Anna, François Tandet, Janine Cholet. L'équipe de Clap remercie Éric Romer, Alain Robgrillet, Guy Gilles, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Claude Chabrol, Werner Schroeter, Peter Kubelka, Peter Fleischmann, René Alliot, Louis Mal, Marcel Carnet, François Truffaut et tous leurs collaborateurs pour leur participation bénévole à cette série. Au chômage ? Peut-être vous ? Ok, on pointera ensemble. Mais il faudrait que tu ouvres un peu. Alors, on rentre en moto ? Oui. Oui, j'emmène Odile, je vais la présenter à mes parents. Bon ? Oui, on va se marier. Vous allez vous marier ? Thank you.